m'a vu dans le Vercors, suspendu au fond des criques, pêcheur d'amphores au fond des criques. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, comme un Lego avec des dents. Dans le Vercors, sauter à l'élastique, cheur d'enfant au fond des criques. La nuit je mens, comme un Lego avec des dents. Go, mais son mémoire, comme un Lego, mais dans les bottes des montagnes du question. La nuit je mens. Un peu parti, un peu rare, je sors de la boîte déjà. Univers luni, univers gros et venido. Si on se donnait rendez-vous dans 10 ans. Chez Canapi. En plus les prix, ils sont trop bien. Où ça? Chez Canapi. Thank you.